too. D'accord, qui suce là. Thank you. Salut Zig. Salut Mr. Dirty. C'est un anglais lui, non? You are British? Et picole pas trop, Dirty.